Nous allons maintenant nous intéresser aux grandes idées de la théorie freudienne. Alors, premier point, on va voir la théorie de la formation de la psyché, hein, c'est-à-dire comment Freud conçoit la formation de l'esprit humain. Et on va voir qu'il attribue un grand rôle à ce qu'il appelle le complexe d'Œdipe, qui intervient, selon lui, dans la petite enfance. C'est dans la petite enfance que l'esprit humain se structure. Donc Sigmund Freud a proposé une théorie de la maturation psychique individuelle, au sein de laquelle la sexualité va jouer un rôle central. Alors, par sexualité, il faut entendre ce terme en un sens beaucoup plus large que celui qu'on emploie d'ordinaire. La sexualité, pour Freud, c'est pas simplement le fait d'avoir des relations sexuelles. La sexualité, selon lui, ça renvoie à toute recherche de satisfaction, de désir, non liée à l'autoconservation. C'est-à-dire, ça renvoie à tous les désirs qui ne sont pas liés simplement à, par exemple, la faim, le sommeil. C'est tous les désirs qui portent sur la pure recherche de plaisir. Dès qu'il y a recherche de plaisir pour lui-même, indépendamment des besoins, Freud nous dit, on est déjà dans la sexualité. Donc la libido, le désir sexuel, eh bien cette libido va prendre des formes très diverses, et notamment des formes qui ne renvoient pas spécialement à ce qu'on entend d'habitude par sexualité au sens strict. Bien sûr, la libido peut prendre la forme du désir d'avoir des relations sexuelles, mais en fait, ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus subtiles qui relèvent, selon Freud, bien de la sexualité. Et cette sexualité, selon Freud, elle intervient dès l'enfance. Freud nous dit que l'enfant a dès le début des pulsions et des activités sexuelles. Il les apporte au monde en naissant. Ça, je cite Freud. Il va y avoir plusieurs étapes de formation de cette sexualité jusqu'à parvenir à la sexualité adulte. Alors, au premier stade de son développement, du développement de l'enfant, eh bien le tout jeune enfant, le bébé, hein, il est encore incapable de distinguer son moi du monde extérieur. Il dit, voilà, le premier stade, le bébé, le nourrisson qui vient de naître, et puis dans les premiers mois, il vit un peu dans cette sorte de confusion, hein, ce qu'on avait vu sur l'approche de la formation de la conscience. Donc le nourrisson, il est dans une espèce de confusion entre ce qu'il est lui et le reste du monde, notamment ses parents. Et donc dans cette première phase de la vie de l'enfant, eh bien, nous dit Freud, cette première phase aussi de sa vie sexuelle, l'enfant trouve sa satisfaction sur son propre corps et fait abstraction d'un objet étranger. C'est-à-dire pour lui, voilà, il y a une espèce de flou, mais l'enfant aussi éprouve des plaisirs et recherche des plaisirs, et donc ces désirs sexuels, ils vont trouver une forme de satisfaction dans la stimulation de ses propres organes. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, il va trouver du plaisir simplement en se touchant son corps, mais en même temps, cette recherche de plaisir, elle participe à la prise de conscience de lui-même. Hein, donc il nous dit, c'est bien de la sexualité, mais c'est une sexualité auto-centrée qui participe à la formation du petit individu. Et donc il nous dit bien, la sexualité, elle n'a pas d'abord une fonction reproductrice, elle vise simplement à rechercher du plaisir, et cette recherche de plaisir, elle intervient dès vraiment la toute petite enfance. Alors très rapidement, remarque Freud, les pulsions de l'enfant, au bout de quelques mois, elles vont commencer à se tourner vers les objets extérieurs. C'est-à-dire que au lieu d'être juste centré sur lui-même, sur son propre corps qu'il touche, eh bien, toucher, même en touchant ses lèvres, touchant ses mains, voilà, c'est simplement ça, déjà, Freud nous dit, la sexualité. Eh bien, très rapidement, l'enfant va orienter son désir vers d'autres objets, d'autres personnes, hein, qui vont être pour lui des sources de plaisir. Et donc, le choix d'objet, ça va se porter vers la personne la plus proche de lui. Donc le plus souvent, c'est sa mère. C'est sa mère qui s'occupe de lui, c'est sa mère qui le prend dans ses bras, qui le nourrit, qui lui donne le sein. Et en fait, l'enfant trouve un plaisir dans ce contact avec sa mère. Alors ça peut être une autre personne, hein, mais bon, le plus souvent, c'est sa mère. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, essentiellement, c'est la mère. Voilà, par exemple, quand la mère donne le sein à son enfant, bon, bien sûr, c'est pour le nourrir, mais il y a en même temps un plaisir de la succion. Et donc Freud nous dit, voilà, c'est un stade de développement de la sexualité de l'enfant. Il tire un plaisir du contact avec sa mère. Et donc c'est pour ça que Freud nous dit, l'enfant désire sa mère comme un objet sexuel, d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire qu'il veut avoir des relations sexuelles avec sa mère, hein. Ça ne veut pas dire qu'il veut faire l'amour avec sa mère, on pourrait dire ça. Non, c'est pas ça. Il nous dit simplement, sa mère est pour lui une source de plaisir, et donc il la désire, il veut que sa mère lui appartienne d'une certaine façon. Alors, cependant, Freud nous dit, l'enfant, il va rapidement trouver un obstacle dans son désir d'appropriation, de posséder sa mère. Cet obstacle, eh bien, c'est l'autre parent, c'est le père, hein, le plus souvent. Voilà, bon. Encore une fois, on pourrait imaginer une relation inverse. Ce serait le père qui s'occuperait de l'enfant, qui le nourrirait en lui donnant le biberon systématiquement, et la mère ne s'occuperait pas trop de l'enfant. On pourrait imaginer ça. Voilà, il y aura tout un tas d'autres configurations, ou des familles où l'enfant, c'est une autre personne, ce serait sa mère, sa sœur, sa grand-mère, son frère qui s'occupe de lui. Bon, peu importe, d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est l'idée que le plus souvent, c'est la mère qui s'occupe de lui, donc le désir se porte sur sa mère, et puis il y a un autre adulte, le plus souvent le père, qui apparaît comme un obstacle dans le désir de posséder sa mère, de ce désir d'avoir sa mère juste pour lui. Cet obstacle qu'oppose le père, eh bien, dans son désir de posséder sa mère, eh bien, selon Freud, ça va susciter chez l'enfant des affects agressifs à l'égard de son père, et en même temps une crainte. Il dit, bon, ben, son père, il est là, il empêche l'enfant d'avoir sa mère pour lui, et donc l'enfant, il va avoir à la fois une espèce d'hostilité envers son père, une espèce d'instinct spontanément hostile envers son père, et en même temps une peur de son père. Il lui dit, voilà, il y a une double relation d'hostilité et de peur. C'est pour ça que Freud nous dit, voilà, il y a un désir de tuer son père. Alors, encore une fois, c'est une expression qui est un petit peu symbolique. Ça ne veut pas dire que l'enfant veut vraiment assassiner son père, mais ça veut dire qu'il ressent une espèce d'hostilité envers lui, une espèce de tension. Et il y a une tension qui va apparaître, voilà, une tension entre d'un côté voilà, cette hostilité, et en même temps la peur de la punition. On dit, voilà, je veux ma mère pour moi, mon père est là, il me dérange d'une certaine façon, je voudrais me débarrasser de mon père, mais en même temps j'ai peur que mon père me punisse. Et donc là, il se trouve qu'il y a, selon Freud, une espèce de conflit entre deux principes. Le principe de plaisir, c'est l'enfant veut que tous ses désirs soient satisfaits. Hein. D'ailleurs, on voit les petits bébés, ils pleurent parce qu'ils exigent énormément de choses de leurs parents. Et puis au bout d'un moment, ce principe de plaisir, il se confronte à la réalité, c'est-à-dire que tous les désirs ne peuvent pas être satisfaits. Donc c'est ça que manifeste l'interdit imposé par le père. Et c'est ça qui va permettre que l'enfant prenne conscience d'un second principe, le principe de réalité. C'est le fait que l'enfant va accepter l'interdit que lui oppose son père avec la menace de punition. Qui va permettre à l'enfant, disons, de passer ce stade où il voulait que sa mère soit là pour lui tout le temps, satisfasse tous ses désirs. Il va finir par prendre conscience qu'en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que sa mère soit là uniquement pour lui. Alors, encore une fois, quand il dit le père et la mère, s'il dit ça, c'est parce que le plus souvent, c'est la mère qui s'occupe d'abord de l'enfant et le père qui être la figure un peu d'autorité. Surtout que, bon, on se rappelle que Freud écrit dans les années 1900, 1910, 1920. Donc le schéma familial, c'était essentiellement ça. Ça l'est encore dans beaucoup de familles, mais on peut dire que les relations se sont un petit peu égalisées depuis, hein. Les pères jouent un rôle peut-être un peu plus important, en fait, de s'occuper des enfants. Et puis on peut imaginer tout un tas de familles dans lesquelles les relations seraient inversées, hein, et donc ce serait plutôt la mère la figure d'autorité. Ça arrive dans de nombreuses familles. Et puis on peut imaginer des familles dans lesquelles, bon, bah, par exemple, ce ne sont pas les parents qui s'occupent de l'enfant, ce sont les grands-parents, ce sont les oncles et les tantes, etc. Donc quand il dit le père et la mère, ce sont un peu des figures symboliques. Hein, on pourrait mettre à la place d'autres adultes s'occupant de l'enfant. Mais voilà, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a cette structure entre d'un côté le désir de posséder sa mère, et le désir agressif, donc nous dit le désir de tuer son père. Donc c'est pour ça que Freud introduit cette hypothèse du complexe d'Œdipe, hein, le mythe du roi Œdipe. Vous savez, dans la mythologie grecque, c'est cet homme qui tue son père et épouse sa mère, alors sans le savoir, hein, dans le mythe grec. Œdipe ne savait pas qu'il était en train de tuer son père, il ne savait pas qu'il allait épouser sa mère, et puis il le découvre plus tard, il se rend compte qu'en fait, il a commis un crime terrible. Et en fait, Freud nous dit, ce mythe-là, il exprime en fait les désirs infantiles, désirs infantiles qui doivent nécessairement être dépassés, hein, d'une certaine façon, on a besoin de dépasser ce complexe d'Œdipe pour que notre conscience se structure, pour que nous apprenions les interdits, pour que nous apprenions que non, notre mère n'est pas notre service, non, notre mère, nous ne pouvons pas la posséder et exiger tout d'elle. Hein. Il y a des interdits, d'une certaine façon. Nous ne pouvons pas non plus désirer tuer notre père, nous débarrasser de lui. Hein. Bon, évidemment, encore une fois, c'est lire de façon métaphorique, symbolique. Donc, à travers ces deux désirs qui doivent être contrôlé d'une certaine façon, l'enfant doit apprendre à contrôler, dépasser son complexe d'Œdipe, surmonter son complexe d'Œdipe, c'est comme ça qu'il va pouvoir mûrir. Il acquiert la conscience de l'interdit, le fait que certains désirs qui sont interdits, je n'ai pas le droit de posséder autrui, je n'ai pas le droit non plus d'être agressif envers autrui, voilà, c'est les deux interdits fondamentaux. Et donc le fait de surmonter ce complexe d'Œdipe, donc il nous dit ça intervient vers 2 ans, 3 ans, voilà, c'est dans la petite enfance. Au moment où on surmonte ce complexe d'Œdipe, eh bien, c'est là que la conscience va se structurer, et aussi l'inconscient. Donc l'esprit va se structurer à partir de ce complexe d'Œdipe, du fait de comprendre que certains désirs sont interdits, on n'a pas le droit de les satisfaire, donc ces désirs vont devoir être refoulés. C'est ça qui va permettre à l'esprit de se structurer.